Alors en fait, on cherche à vous passer une musique de Steven Universe. Steven Universe, c'est un dessin animé qui est super chouette, qui est pour les grands, les grandes, les petits, les petites, les moyens, moyennes, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est l'histoire de Jean, d'un petit bonhomme qui est sur la Terre avec des gens qui l'élèvent, qui sont des extraterrestres. Et puis en fait, c'est des rebelles, ces extraterrestres. En fait, ils sont complètement exilés, en fait, on peut le dire, de leur patrie d'origine. Je vais vous laisser et peut-être on se retrouve à la fin pour finir l'histoire. Let's go, just one on two. Go ahead and try hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle. But I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we'll just come back you up. And we'll always be twice the gem that you are. I am an A. Turn us around. This is who we are. This is who I am. And if you think you can stop me, then you need to think again. Cause I am a feeling, and I will never end. And I won't let you hurt my planet. I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of. Cause you think that you seen what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I am a conversation. I am a stronger than you. And it's stronger than you. Quiet! The ship is going down! What about Lapis? There's no time! And it's stronger than you. Pour finir juste sur Steven Universe, du coup c'est un dessin animé chouette qui dure 10 minutes et que je vous conseille vraiment d'aller voir, qu'on vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il est safe, parce qu'il est cool, parce qu'il fait du bien et parce que c'est l'histoire de plein de gens et du coup des rebelles et enfin voilà, ça nous parle, ça te parle, ça me parle, ça parle à tout le monde. Compagnie chérie des chasses gendarmes, voyez le plaisant vacarme, cela tout le charme des chaussettes à clous.